mis mon complet neuf, mes souliers qui me serrent, et je suis prêt déjà depuis pas mal de temps. Ce soir est important car c'est l'anniversaire du jour où le bonheur t'avait vêtu de blanc, mais je te sens nerveuse au bord de la colère. Alors je ne dis rien, mieux vaut être prudent. Si je disais un mot, ton fichu caractère m'enverrait sur les roses et l'on perdrait du temps. Il est 8h15 et tu attends la robe qu'on devait te livrer ce matin au plus tard. Pour comble tes cheveux, au peigne se dérobe, tout semble se liguer pour qu'on soit en retard. Si tout va de ce train, la soirée au théâtre et l'auteur à la mode, on s'en fera un deuil. Adieu pièce d'Anouilh ou bien de Sartre, je ne sais plus très bien, mais j'ai de bons fauteuils. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ta robe est arrivée enfin. Tu respires. Moi, pour gagner du temps, je t'aide de mon mieux. Tout semble s'arranger, mais soudain, c'est le pire. La fermeture s'arrête et coince au beau milieu. On s'énerve tous deux, on pousse et puis l'on tire. On se mêle les doigts, on y met tant d'ardeur que dans un bruit affreux, le tissu se déchire. Et je vois tes espoirs se transformer en pleurs. Aux environs 11h, enfin, te voilà prête. Mais le temps d'arriver, le théâtre est fermé, viens. Allez, viens, nous irons souper tous deux, en tête à tête. Non, tu as le cœur gros, tu préfères rentrer. Par les rues lentement, nous marchons en silence. Tu souris, je t'embrasse, et tu souris encore. La soirée est gâchée, mais on a de la chance. Puisque nous nous aimons, l'amour est le plus fort. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire.